Cette nuit j'ai fait un rêve, libre sur une terre où personne ne crève, où chacun de nous qui fait la vie grave, sans drogue, sans guerre, où y'a rien qui s'aggrave, plein de belles femmes, autant d'hommes braves, où on dit pas si j'avais su, où personne ne rave, où personne n'a peur, non. Ouais, j'ai rêvé d'un monde sans taf, là où l'amour ne fait pas de grève, aucune maladie, pas besoin de grève, aucune politique, sans fric et sans flic. En un mot, c'était magique. J'étais initié au sans whisky du stick. J'étais à la mer avec mes gosses, c'était fantastique. Ouais, fantastique, ouais. J'ai vu. J'ai vu plein de rires et de sourires. Imagine l'image, tout était magnifique. Dans ce monde elle-même et toutes ses vies. À table, on bouffait que des fruits. Pas de thunes, rien n'avait de prix. Aimer, c'est tout ce qui était appris. Aimer, c'est tout ce qui était appris. Mais non, elle n'est pas comme ça cette vie. Mais non, tout ça je l'ai bien rêvé. This night I had to dream. I living in a world with a problem. Everybody live a dream. But at that, it was a dream. This night I had to dream. I living in a world with a problem. I living in a world, living in a world, living in a world with a problem. J'ai rêvé d'un monde sans problème où chaque race perd dans la messe promène. D'un monde où il existe ce putain de Père Noël, où il existe pas ce putain d'oseille, où la tristesse n'est pas, pas besoin de conseils, où on se dit c'est quoi ce pas là où on sait pas ce que c'est, où on a pas de président là où on est pas des baisers. Un monde sans conflit, sans soucis, où la haine c'est des bisous. Une vie sans procès, sans sourcils, là où y'a même pas de prison. Là où on s'aime, où on fait l'amour par passion, où on respire par la merde, là où y'a pas de pollution. Pour l'instant on fait rien que de la dégradation. Le monde prenez-en soin, il va passe à l'action. Oui j'ai rêvé d'un monde bien mais ce n'était qu'illusion. Oui j'ai rêvé d'un monde bien mais ce n'était qu'illusion. This night I had to dream. This night I had to dream. This night I had to dream. I living in a world with a problem. Everybody live a dream. But at that it was a dream. This night I had to dream. I living in a world with a problem. I living in a world, living in a world, living in a world with a problem. Un jour ton cœur fait boum, le lendemain il te fait mal. Un jour tu pries debout, le lendemain t'es à l'hôpital. On court après les sous, au final on a que dalle. Nos patrons restent pour nous ce sera kebab. Viande, sauce, salade, le destin nous balade. On veut bien croire à Allah, s'il nous met pas la banane. Sarko fait sa loi, on dit oui oui comme des ânes. On essaie de garder la foi même si on voit le désastre. Le monde dont j'ai rêvé, d'ici il est à désastre. Le monde c'est du poker, on n'a jamais les perdasses. Le monde nous a mis bien, on a niqué comme une tasse. Le monde fonce dans le mur, le pauvre il a pas de casque. Le monde on l'a vidé, comme moi j'ai vidé mon flash. Le monde je l'ai rêvé, d'autres l'ont rendu comme as. I had to dream. I living in a world with a problem. Everybody live a dream. But at that, it was a dream. This night I had to dream. I living in a world with a problem. I living in a world, living in a world, living in a world with a problem. This night I had to dream. I living in a world with a problem. Everybody live a dream. But at that, it was a dream. This night I had a dream. I living in a world, living in a world, living in a world without problems. Initial toujours Al.